S'il te plaît, ne sors pas ton mouchoir. Je t'en prie, remets-le dans ta poche. Et mets tes lunettes de ski pour éplucher des oignons.